Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 92. J'espère que tout le monde est en grande forme ce vendredi matin, le 28 janvier 2022. Année de la COVID, encore une fois. Bon, là, c'est quoi, là? Les parades de camions, man, dans la rue, qui font tout un boucan. Hein? C'est quoi, là? Là, ces gens-là, ils veulent pas se faire vacciner, puis ils veulent continuer de traverser les frontières, puis tout ça. Puis là, on dit, là, c'est comme ce mouvement-là est devenu une espèce de mouvement de quiconque est tanné, tu sais. Puis là, tout le monde se greffe à ça. Puis là, ça fait une belle grosse parade là, d'imbécilité. C'est l'enfer, ça. Là, tu sais, moi, je t'écœurerais aussi, bien sûr, des mesures. Puis je les. Moi, je terminerais ça drette là, immédiatement. Puis, j'ai viré mon capot de bord, puis je t'écœurerais. C'est, non, moi, je trouve que ça fait plus de sens. Puis, j'ai marché au pas tout le temps. Puis, je vais continuer de le faire pour respect par mes employés et tout le monde. Mais je suis plus d'accord, là, tu sais, ça suffit, là, les mesures, là, tu sais. Tout le monde est triplement vacciné, tout le monde a pogné à COVID, t'as pas le choix de pogner à COVID, tu vas pogner à COVID, m'a pogné à COVID, on va s'en sortir. Plein de monde autour de moi ont eu la COVID, plein de monde partout dans le monde entier ont eu la COVID. Les personnes qui meurent de la COVID, les hôpitaux, d'après le CHUM, qui est plein de monde malade, 50% sont pas vaccinés. Donc, 50% des hospitalisations, c'est des gens non vaccinés. Comme les camionneurs, tu sais. Hein? C'est ce monde-là. Bon. Fait que ça, c'est un petit paquet de troubles. L'autre moitié des gens qui meurent, pas qui meurent, mais qui sont à l'hôpital, c'est des gens qui ont un système défaillant, qui ont été greffés, qui sont pas en shape, qui ont des problèmes. Fait qu'il y a très, très peu, sinon, je pense, aucun cas de décès pour des gens avec santé normale, qui pogne la COVID, puis tu sais, voilà. Fait que là, c'est bien... voyons. C'est sûr qu'il faut pas juste penser à soi, tu sais, il faut... Oui, un bon exemple, ma locataire en haut, j'ai deux locataires, moi, puis d'un côté, j'ai une petite dame de 87 ans qui est sortie sur maçon, et puis elle a trébuché, maçon, c'est une rue, elle a tombé. Mais cette madame-là, elle est solide, là, t'sais, elle est top shape. Là, t'sais, elle est très vieille, mais très top shape. Je sais pas comment est-ce qu'elle fait à respirer autant de poils de chat, en tout cas. Moi, je serais mort. Moi, je vis dans cet appartement-là, puis je meurs après deux jours. C'est dégueulasse. Mais en tout cas, elle est top shape, elle est en forme à toute sa tête, puis tout. Puis elle est allée marcher, faire des commissions, parce qu'elle a son galice, elle met son masque, fait des commissions pareilles, tu sais. Tu sais, à un moment donné, les personnes âgées, sortez pas de chez vous, elle faisait des affaires. Bien là, elle a trébuché, puis elle s'est blessée, genre, puis elle a comme un peu, ça l'a sonné, tu sais. Fait que là, elle est à l'hôpital. Mais elle pourrait pogner la COVID à l'hôpital. Puis là, vu qu'elle est vieille, elle pourrait en mourir, tu sais, parce que... Mais son système est fort, je veux dire, elle est top shape, cette madame-là. Mais tu sais, comme tu peux, je comprends ça, tu sais, je comprends ça. Mais là, il y a comme une moyenne qu'il faut faire à un moment donné de combien de monde on punit puis on met en cage, tu sais, versus les gens qui sont très à risque et très faibles. Puis, tu sais, ça fait pas de sens, là, tu sais. Là, si le monde voulait aller se faire vacciner, déjà, ça aiderait. Je l'ai déjà dit dans mon spectacle. Dans un de mes précédents spectacles, je le dis encore. Vous êtes pas spécial parce que vous êtes pas vacciné, n'est-ce pas? C'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le rendre malade puis intoxiquer le monde autour de vous. Allez pogner des maladies, allez pogner la peste puis ramener ça ici. C'est votre corps puis spreadez ça dans le monde si vous voulez. On peut rien faire apparemment parce que vous avez la tête dure. Mais les stats sont là, c'est ça le problème, tu sais. La science existe pour éradiquer les pandémies sur Terre, des pandémies qui arrivent. Puis on refuse ça. Tu sais, moi, c'est... Tu sais, mettons que tu vas accoucher puis tu veux pas l'épidurale parce que tu veux le faire nature. Tu sais, là, c'est bien correct, ça. Il y a du monde qui sont comme, Chris, la science. Je peux ne pas souffrir en accouchant, pique-moi immédiatement, tu sais. Puis il y en a d'autres, non, parce que moi, c'est mon corps, c'est la vie, c'est moi. Puis c'est parfait, ça. Là, le problème, par contre, est que dans le cas de la COVID, tu sais, si c'était juste, genre, tu décides de te faire couper un doigt, ça te regarde. Mais là, tu décides d'être un vaisseau pour transporter la maladie, tu sais. Ça touche les autres. Tu peux faire ce que tu veux avec ton corps, mais là, ça touche les autres, tu sais. Tu deviens un problème. Fait pour tout le monde. Fait que c'est ça l'affaire, tu sais. Puis c'est pas comme genre, OK, on se fait tout tatouer d'en face, puis toi aussi. C'est une injection, esti, de la maladie qu'il y a déjà là dehors, puis que tu vas pogner en passant, puis que c'est juste comme une parcelle de ça, puis ça t'aide à pas tomber, puis te faire détruire le corps lorsque tu pogneras la maladie. Moi, c'est que ça me fait pas de sens, ça. Puis là, cette parade de camions, man, esti, que c'est ridicule. Ah, hein? Là, il y en a plein qui écoutent et qui seront pas contents. Mais comme je dis souvent, c'est mon spectacle et je dis ce que je veux. Puis j'aurai des invités bientôt aussi. Je parlerai d'autres choses. Faites-vous-en pas, je parlerai pas juste de ça. Mais là, le matin, j'étais un peu écœuré. Besoin de me défouler. Fait que c'est ça, man. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Cela dit, tu sais, comme moi, j'ouvrirais tout. T'ouvres tout. Plus de limites de rassemblement, plus de rien. On vit notre vie normalement. Il y a un mur qui pousse tout le monde vers le précipice qui est la COVID. On va tout tomber dedans. Tu peux pas passer par-dessus le mur. Le mur avance tranquillement. T'as toi de décider si tu te laisses pousser par le mur puis que t'appognes, ou si fuck off, esti, tu sautes tout de suite dans le trou puis ça sera fait. T'sais. Puis moi, je suis de ceux-là. C'est, on gagnera pas, tu sais. Mais on a déjà gagné, tu sais. Avant, il y avait 3000 cas, puis là, on capotait, tu sais, puis tout ça, puis cette maladie qui tue, puis. Non, c'est casual, ça, là, la COVID maintenant, là. Je veux dire, c'est partout, là. C'est partout. Ça aurait peut-être eu ça de bon, Omicron. Est tellement, au moins, est tellement comme, elle spread tellement, que là, c'est comme, on peut même plus suivre, tu sais. Il y en a ben trop, là. Ça fait juste. Ok, guys, coudon, on va déconfiner un peu. T'sais, on peut pas rester confiné. Ben, c'est ça, t'sais, c'est la logique. On peut pas se battre. Ben, on se bat contre ça. Je veux dire, on a trouvé un vaccin pour ceux qui veulent bien l'accepter, bien sûr. Et puis, comme ça, les gens ne meurent pas et continuent leur train-train quotidien. Fait que moi, cette maladie-là, j'en ferais la même affaire qu'une grippe. Puis, si t'as pas une, puis que tu le sais. Puis t'es top shape, ben tant mieux. Puis si t'es magané, tu restes chez vous, comme quand tu pognes la gastro, comme quand tu pognes le rhume, comme quand tu pognes une petite maladie, là, c'est tout, là. T'es en forme, tu sais, t'es comme, ah, on a travaillé pareil, tu sais. On s'en faisait pas avec ça avant. Ben là, on est comme rendu là, tu sais. Moi, je le vois de même. Puis c'est ce que le Danemark a fait d'après les nouvelles hier. Le Danemark a relégué la COVID au statut de simple grippe, apparemment. Et puis eux autres, comme, déconfine, c'est fini, on n'en parle plus. C'est pas beau, ça. Cela dit, et puis je suis pas spécialiste là-dedans, j'ai comme l'impression que le Danemark, ils ont un peu comme une Ferrari, comme système de santé, puis que nous autres, on a un biscuit à pédale, tu sais. Fait que c'est un peu ça notre problème, en fait, ici au Québec. Si on avait la capacité au niveau de la santé de soigner les cas, puis de pas être comme submergé avec les cas qu'on a, puis les gens qui en ont besoin présentement, puis d'être obligé de pas opérer les pauvres gens qui ont le cancer parce qu'il y a des non-vaccinés qui pognent la COVID, puis qu'il y avait de la place pour tout le monde, il n'y en aurait pas de problème, tu sais. Mais là, notre beau système de santé tout croche, parce que le Québec, c'est tout croche, ça, c'ti. Ben, c'est ça qui se passe, tu sais. Mais là, c'est ça, on envoie tout notre argent à Ottawa, fait qu'il en reste plus temps pour la santé, tu sais. Je vous dis, man. Ah, ben. En tabarnak. Parce que c'est le système de. C'est pas les décès, tu sais, tant que ça. On n'en parle même pas des décès, puis il y en a plein, c'est fou, là. Mais si le système de santé était capable d'en prendre, ben, on ne mettrait pas en cage de même, là, tu sais. Fait que voilà. Bon, c'est pas grave. Ça change rien, c'est juste moi qui chiale. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui c'est la sortie de Pokémon Legends à Arceus, c'est ça? Arceus. Donc c'est là que ça se passe, le magasin est en train de fourmiller, j'espère qu'on a reçu nos copies, qu'on va les recevoir tôt, parce que je regarde ça de loin, hein, je regarde ça sur le side, Martine est sur place aussi, Joe, puis ben, tu vois, Joe puis Martine, ils ont refait le système de précommande. Ils ont retravaillé là-dessus. C'est pas mon dossier, moi j'ai pas regardé ça. Mais ils ont retravaillé là-dessus pour que ce soit plus clair. Puis c'est pas si simple, hein, les précommandes en passant, parce qu'il y a des gens qui. Tu sais, comme parce qu'ils veulent 100$, Ils veulent le shipping gratuit à 100$, ils prennent une précommande d'un jeu, un jeu qui va sortir dans un mois, puis là, ils mettent d'autres jeux avec ça. Fait que nous autres, on peut pas shipper la commande tant que le jeu est pas sorti, alors on met ça de côté, mais faut pas l'oublier, tu sais. Puis quand on reçoit les jeux de précommande, ben là, on rappelle tout le monde, puis tu sais, mais faut... Puis des fois, ces gens-là, ils veulent venir en magasin chercher leur autre jeu, mais bien sûr, continuent à attendre la précommande, fait que ça aussi, il y a beaucoup d'exceptions, tu sais. Fait que là, des fois, on s'est dit, hey, puis il y a des gens qui précommandent genre 4 jeux, mais ces jeux-là, ils sortent pas toute la même journée, là. Ils sortent à 3 mois de différence, là, tu sais. Ça fait qu'il faut attendre, tu sais, pendant quasiment une demi-année que tous ces jeux-là sortent. Fait que c'est peut-être nous autres qui lancent les précommandes trop tôt aussi, je sais pas, mais c'est pas simple, tu sais. Ou il faudrait que chaque fois que tu fais une. Tu peux pas combiner les précommandes, tu sais. Quand tu achètes une précommande chez nous, c'est avec le shipping ou non, si c'est pick-up, puis that's it. T'sais, tu peux pas cumuler ça jusqu'à un shipping gratuit, en tout cas. Comment est-ce qu'on fait ça avec le système? Notre système permet pas d'avoir, mettons, une gestion des précommandes claire, fait qu'il faut le faire sur le site dans un autre document. Puis il faut qu'il soit le document là. Quand les gens ils viennent en magasin acheter des précommandes, il faut que les employés le rentrent. Quand on achète en ligne, il faut le rentrer en document. Et puis, il faut noter dans notre système. Puis, en tout cas, c'est assez compliqué pour vrai. Et puis, on travaillait là-dessus. Puis aujourd'hui, ben, on va mettre ça à l'épreuve parce qu'il y a bien de la demande pour ce Pokémon-là. On dirait que les gens sont excités. Alors, ça se passe là. Donc, tant mieux. C'est tout le temps le fun, les journées de sortie de gros jeux. De gros jeux populaires, là, ça fait des belles journées. En passant, tu sais, ça fait des journées. On vend un jeu, on les vend, les jeux Nintendo de même, AAA, sous le temps 80$, 79,99, 91 avec les taxes. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, on va en vendre, j'ai dessus, moi, une centaine, là, c'est comme, ouh, bonne journée! Mais finalement, on fait 5$ par jeu, whatever, c'est pas des vrais chiffres, tu sais. Là-dedans, il y a les taxes qu'on redonne, et puis il y a le cost, et puis il y a le profit. Fait que, puis le profit, il est maigre. Alors, c'est pas des vraies bonnes journées, comprenez. Mais quand même, les gens sont excités, ils viennent en magasin, il y a du monde, ça fourmille, ils se pognent un autre jeu, ça jase. Et fait que, ça, puis il fait beau dehors, donc c'est un beau vendredi de sortie de jeu, puis ça, c'est tout le temps bien plaisant. Ah, je vais boire un peu de café, là. J'aurais voulu enregistrer hier, j'ai pas eu le temps. Oui, parce que continuons un petit peu avec Retro MTL. Là, on est dans des gros projets, mesdames et messieurs. Là, je vais vous le dire tout de suite, il n'y a pas d'update poubelle. Il n'y a pas d'update poubelle. Les poubelles sont sous contrôle. Là, on a amélioré notre vie de façon drastique en engageant une compagnie de ménage. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé. Donc, elle fait le ménage au magasin une semaine, le ménage au QG l'autre semaine, magasin QG. Comme ça, le ménage est fait aux deux semaines à chacune des places. On le faisait, les employés le faisaient, mais tu sais, comme ça vient lourd avec les tâches en plus et tout ça. Donc là, on est assez big pour se payer du ménage. Et puis, on est assez big aussi pour se payer des guenilles. Et ça, c'est pas une joke, c'est des vraies guenilles parce que vous savez, il y a des compagnies de guenilles et de linge qui existent. Et puis, Québec Linge, là, ici à Montréal. Et puis, mais c'est pas avec celle-là qu'on fait affaire. Puis, c'est une compagnie de buanderie, whatever. Là, j'ai comme, tu sais, ici, au magasin et au quartier général, il y a des guenilles pour nettoyer les jeux, du nettoyage quelconque, voilà. Il y a des linges à vaisselle pour nettoyer notre vaisselle, tu sais. Puis, on vit avec ça. Puis, mais à un moment donné, il faut les laver, ces affaires-là, hein. Fait qu'il faut que quelqu'un, quelque part, prenne l'initiative de prendre toutes les guenilles, puis se faire un baluchon avec ça, puis ramener ça chez eux, les laver, puis les ramener au magasin, tu sais. Mais vous savez bien que personne fait ça. Là, je chiale pas sur les autres, je le fais pas plus, là, tu sais. Comme on fait nos journées, on oublie. Puis là, à un moment donné, tu repasses les mêmes guenilles, tu regardes le linge à vaisselle qui est là depuis un mois, tu dis, ah, j'ai comme plus le goût d'essuyer mon tupperware avec. C'est un peu dégueu, tu sais. Puis moi, ça me gossait, tu sais. Moi, j'aime pas ça, la malpropreté. Fait que j'ai comme allumé, j'ai comme, hey, à la regarde, on fait affaire avec une compagnie de guenilles. On a tout le temps besoin de linge, puis tout ça. Fait que dans le fond, eux viennent livrer une poche de linge propre. Puis les employés, ils servent là-dedans. Puis quand la guenille est sale, tu te mets dans la poche de sale. Et puis, ils font une rotation comme ça. Je suis comme, hey, on va faire ça, c'ti, au quartier général. On passe de la guenille pour nettoyer des jeux non-stop. Fait que là, ça nous coûte vraiment pas cher pour avoir. Là, je n'ai pris 50, mais jusqu'à 75 guenilles par semaine. Puis des linges à vaisselle pour le QG et le magasin. Fait que là, on n'a plus jamais besoin de s'en faire avec ça. C'est-tu pas beau, ça? Ouais, c'est des petites affaires de même qui... Comme, il y avait un commentaire sur un de mes anciens épisodes que je parlais de poubelle, tu sais. Là, c'est beau, les entreprises, et puis, tu sais, le développement, tout ça. Mais en arrière de tout ça, il y a les poubelles, les guenilles, les Windex, on n'a plus d'élastique, on n'a plus de batterie. Tu sais, faut gérer ça, ces affaires-là. Les boîtes pour le shipping. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais c'est comme c'est nous, les propriétaires, qui se cassent la tête avec ça. C'est comme, OK, là, faudrait commander là, bien plus d'affaires de ça pour arrêter de tout le temps en manquer. Puis après ça, il va falloir faire ça. Et puis, tu sais, il faut trouver des solutions. Fait que les guenilles, c'est une solution. Là, les batteries, on en passe quand même pas mal. On peut trouver une façon de recharger ça, je sais pas. Là, il faut que j'aille à l'éco-centre lundi prochain avec mon char parce qu'on a ben trop de stock, tu sais, des TV pétés. On a changé plein de néons qui marchaient plus ici. Là, j'ai des néons, tu sais, il faut que je me débarrasse de ça. Des bacs et des bacs de junk, de consoles finies, tu sais, que c'est juste des carcasses, qu'on a pris les pièces intéressantes pour les réparations puis tout. Fait que c'est ça, je voulais vous parler de ma compagnie de guenilles. Là, j'ai dit au monde, c'est merveilleux. Quand vous nettoyez des jeux maintenant, arrêtez de prendre la même guenille pour 3 jours. Cette aire-là est révolue. Vous pouvez en prendre 3, si un avant-midi, 3 un après-midi, si vous voulez. Puis, mettez ça propre, mettez-vous-en sur la tête. Habillez-vous en guenille si ça vous tente. Ça va être parfait. Attendez un petit instant. Là, je vois des messages. Je veux juste être sûr que je ne suis pas requis. Qu'est-ce qui se passe? OK. OK. C'est sous contrôle, excusez. Donc, c'est ça. Fait que ça c'est bien excitant. Quand, là, je vais vous parler de gestion de gogos. Vous saviez aussi, peut-être vous avez vu l'année passée... chez RetroMTL, on a racheté une compagnie qui s'appelle Game Access. Game Access est une compagnie basée à Montréal qui faisait de la location de jeux par la poste. Quand vous étiez membre de Game Access, il y a un nouveau jeu, le God of War 3, il sort. Je sais pas comment ça marchait, là, mais t'sais, comme tu passes ta commande, puis Game Access te ship le disque dans une sleeve protégée, puis quand tu as fini, ben, tu le ship. T'sais. Ce qui est un drôle de système, mais d'après le propriétaire, puis je le crois, là, il a fait ça pendant des années, puis ça a été super payant, fait que tant mieux pour lui. Puis le propriétaire, c'est pas un dude là, de fond de sous-sol, là, de Google Sheet, de Sheet Excel ou whatever, là. C'est un réel entrepreneur qui a du cash, puis des compagnies en tabarnak, tu sais. Puis ça, c'est sa première petite compagnie avec laquelle il a pu faire du cash, puis aller plus loin. Donc, tout le temps intéressant de parler d'entrepreneuriat avec des vrais gens. Et puis, là, c'était terminé parce que, tu sais, bien sûr, ça n'a plus de sens. De un, la location de jeu, ça se fait plus. Puis, encore moins la location de support physique par la poste, tu sais. Donc, il avait communiqué avec nous autres, puis on y avait racheté tous les jeux. Donc, lui, il avait du stock de PS2, 3, 4, Xbox 360, Xbox One... Et GameCube, Wii, DS, 3DS. Et puis, il y avait un petit peu de Xbox OG aussi. Pour le GameCube, par contre, mais ça, c'est triste. Il y avait plein de jeux, mais il n'y a pas les boîtiers. Fait que là, on a un stack, man, de un pied. Si tu mets de bout, là, c'est quasiment 2 pieds d'épais de disques loose de GameCube qu'on va boxer, qu'on va passer au travers bientôt pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Resurfacer les plus beaux, les mettre en vente loose, whatever. Mais ça, ils avaient pas. Puis pour tout le reste, ben c'est tous des jeux. Fait que c'est 10 000 jeux total qu'on a acheté d'un coup. Et puis, cela venait, puis ça, c'était comme un cadeau. Il nous a donné ça avec, si on le voulait, avec des milliers et des milliers et des milliers de boîtiers vides de PS3, PS4 et Xbox One. Ouais. Parce que oui, lui, il nous a donné les jeux loose et il nous a donné des boîtiers. Puis, il nous aurait chargé plus cher si lui, de son bord, il avait eu à mettre les jeux dans les boîtiers quand on a fait l'achat. Il a dit, moi, je peux le faire, mais tu sais, ça va être plus cher. Je vais mettre des gars là-dessus pendant des semaines, puis ils vont boxer ça. On a dit, non, gardez le prix, on va le faire de notre bord. On va trouver une façon, tu sais. Puis, on l'avait calculé dans notre achat. à calculer un coût de boxage, tu sais, à deux employés à tel salaire qui font ça pendant tant d'heures par semaine, à boxer un jeu, ça prend combien de temps, tu sais, fait que c'était dans le calcul, je me suis dit, on va le faire. Puis là, il faut le faire, il y en a énormément. Mais, puis là, un coup qu'on va avoir tout boxé les jeux du Game Access, on va avoir nos milliers de boîtiers vides qui venaient avec en cadeau, parce qu'eux autres, ils ont comme perdu ça, les jeux, je sais pas ce qu'ils sont, je sais pas. Ils pouvaient pas vraiment nous répondre à ça, ils savaient pas. Fait que les boîtiers vides, nous ici, on a déjà une accumulation de disques loose parce que ça vient avec des lots qu'on achète des fois. Fait qu'on va essayer de boxer tout ce qu'on trouve là-dedans. Puis après ça, il va nous rester encore plein de boîtiers vides. Puis là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça, tu sais? On a essayé de mettre, mettons, les plus beaux en vente sur eBay à la pièce, tu sais. Un beau boîtier d'un jeu qui vaut 30$, t'sais, mais c'est ça, les jeux de PS3, PS4 et Xbox One et 360, il n'y a pas grand jeu là-dedans qui ont une grande valeur, là, on s'entend. Fait que les jeux à 10-15$, on s'en calisse. Mais tous les jeux qui valent 25$ en montant, on s'en est pris une petite sélection, puis on les a mis sur eBay à la pièce. T'sais, voici un boîtier de tel jeu, Spider-Man, et puis qui vaut normalement complet en boîte 100$, puis voici un boîtier 40$. Je dis ça de même, je sais pas, c'est pas moi qui ai checké ça. Fait que on en vendait un par mois, Et puis en plus, ça générait beaucoup de questions sur eBay, genre hey, « mais là, y'a-tu le jeu? » Puis y'a du monde qui l'ont acheté, puis qui pensait qu'il allait avoir le jeu, fait que là, c'est comme « Ah, y'a pas le jeu! » C'est comme « Tabarnak, c'est écrit dans le titre, man! C'est écrit dans la description, c'est écrit en tout, pas de jeu! » Fait que là, c'est, tu peux pas... Pourquoi c'est ça, t'sais? Dans vie, c'est ça, là. Tu te bats tout le temps avec du monde qui lise rien, pis tu dis, j'ai pas de jeu! Fait que c'est ça. Donc, on les a enlevés parce qu'on était écœurés. Là, on sait toujours pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ben, on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Jusqu'à ce qu'on se dise, là, en 2022, on a des projets à bâtir les uns après les autres. Pis là, on est rendu au projet QG ici. Il y a du stock partout. Pis ces boîtiers vides-là sont énormes. Ils prennent un énorme volume d'espace. Faut faire de quoi? Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les jeux. Et puis, on a commencé par le PS3 parce que c'est ce qu'on a le plus. Fait que tous les jeux qui valent moins de 20$, on met au recyclage les sleeves et les livrets. Et puis, on garde le boîtier. Puis là, ceux qui connaissent le PS3, ils sauront que dans les premiers jeux de PS3, il était écrit sur le boîtier, c'est le boîtier format Blu-ray, c'est écrit PlayStation 3 en haut. Puis par la suite, c'était juste écrit Blu-ray en bas. Fait qu'on va faire deux SKU différents, un pour les boîtiers PlayStation 3, puis les autres écrits Blu-ray. Et puis on va les vendre à l'unité ou ben, au paquet de 10. Ainsi, vous, le collectionneur, si vous avez des jeux à boîtier scrap, ben vous pourrez nous acheter ça comme vous nous achetez des sleeves de NES, des boîtiers de Game Boy, ou des fonds pour mettre dans le fond, des boîtes NES, tu sais, comme pour améliorer votre collection. On a des affaires qu'on aime toutes faire, là. Personne aime ça, avoir des boîtiers pétés dans sa collection. Fait qu'on va avoir ça pour PS3, PS4, Xbox One et Xbox 360. Fait que là, on fait ça. On a là, des boîtes. Là. On s'assoit à terre, pogne une boîte, on a tous nos disques loose, on les met en ordre alphabétique, puis on passe au travers de toutes les boîtes, on boxe tout ce qu'on peut. Puis à la fin, ben, quand il va rester un stash de disques loose, toutes les NHL, tout ça, on va mettre ça au recyclage, on s'en crisse. Les jeux qui valent de quoi, on va les resurfacer puis les mettre en vente. Et on n'aura plus de disques loose. Et tous les boîtiers vides qu'on aura déslivés et vidés, on va les envoyer au magasin. Puis tous ceux-là qui valent 20$ et plus, on va se les garder. Comme ça, si jamais il y a un jeu qui rentre ou se trouve une façon de les vendre en stack sur eBay, je sais pas, on trouve une façon. Ils sont peut-être vendables, tu sais. Quand même, il y a des jeux là-dedans. Les Spider-Man, là, au PS3, c'est fou, hein. Ces jeux-là, ils valent au-dessus de 100$, des affaires de fou. Fait que... pas trop envie de jeter la sleeve puis le livret, là. Fait que on va les garder pour l'instant, puis on va checker ça. Puis bien sûr, on va se garder un stack de boîtiers pour nous, pour changer les boîtiers des jeux qu'on rachète quand ils sont pétés. Fait que tout ça va sortir, tout ça va faire du bien, et là, on est là-dessus, puis c'est quand même très long. Fait que... mais quand on aura fini de passer au travers de ça, vous allez avoir accès à des boîtiers pour racheter, là. Puis on va en avoir beaucoup, là. Fait que... du PS4, man, c'est malade, là, tu sais. On a essayé de mettre un pack de 100, genre, sur eBay, voir que ça allait faire. Il y a quelqu'un qui nous a lowballé, puis c'est tout. Fait que pas une bonne façon, mais je pense qu'en magasin, ça va passer mieux. Parce qu'on en vend beaucoup, là, des boîtiers de protection, des boîtiers de remplacement, des sleeves, tu sais, tout ce genre d'affaires-là. Le monde y aime ça. Je comprends ça. Mais pour vérifier la valeur des jeux aussi, parce qu'on ne connaît pas toutes, avec l'application, il n'y a pas une application de price charting, mais moi ce que je fais avec mon téléphone, c'est que je vais dans Safari, parce que Google ne le permet pas, puis je me crée une pastille sur mon desktop de téléphone, sur mon écran d'accueil de téléphone avec le site de price charting. Donc ça te fait une icône, quand tu cliques dessus, ça ouvre le site de price chart. Puis price chart, tu peux scanner les codes barres. Donc, au lieu de taper chaque jeu, tu sais, ben, tu scannes le code barre, le jeu il pop, puis ça te donne le prix. Donc, c'est une façon comme plus rapide de faire ça. Puis si vous collectionnez, puis vous voulez rentrer votre collection dans Price Charting, qui serait une très bonne chose à mon avis, puis moi je considère le faire, puis sortir, c'est peut-être que bientôt, tu sais, comme je vais rediriger ma collection quelque part pour que le data soit enregistré, puis je pense que Price Charting serait la meilleure place. La seule affaire qui me gosse, c'est qu'ils n'ont pas d'application web, tu sais, c'est l'application de téléphone OS, c'est ce qui me gosse, mais en tout cas. Mais malgré tout, je pense que c'est une très bonne place pour mettre votre collection, et puis c'est ça, vous pouvez scanner, tu sais, fait que vous avez un full set PS2, au lieu de taper chaque titre, tu sais, tu es comme bip, bip, bip, bip, tu rentres de même. Ils lisent pas toutes, mais quand même. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on fait, là. On a ben, ça a l'air bien plate, là, mais en même temps, moi, j'aime ça, là, parce que là, je vois des boîtes de boîtiers vides sortir d'ici pour aller dans le sous-sol du magasin. Là, ici, ça respire. On va réaménager tout ça. Il faut qu'on libère l'espace avant de réaménager. Là, on va probablement engager une quatrième personne qui va rentrer de l'inventaire sur le web. Fait que là, les quatre personnes vont être dans le même bureau. Là, on a reflippé une coupe de bureaux parce qu'on a tous des bureaux pas de la même grosseur. Donc, l'équipe de 4 va être là-dedans. Et puis là, c'est beaucoup de monde. 4 hein? Personnes à temps plein, guys, qui rentrent des jeux toute la journée de 9 à 5 du lundi au vendredi sur notre site. Ça roule, là. On a crissement du volume, là. Puis faut que ça rentre plus parce que ça s'accumule ici en arrière. Là, faut qu'il y ait une balance. Si on rentre plus de jeux là, il faut qu'on en nettoie plus puis qu'on en mette plus de près. Donc, je pense qu'on va manquer de ressources là aussi. Fait que on va voir comment on peut faire ça. Faut traiter les consoles. Des consoles, on en vend énormément, tu sais. Puis, on penserait peut-être pas ça, là, de l'extérieur, mais ça roule, les consoles, là. Fait que faut en préparer. Et puis, là même, j'étais en train de considérer si on devrait pas racheter une resurfaceuse à 50 disques de la shot. Donc, tu mets 50 disques, puis tu pars ça, puis ça resurface, parce que là, on le fait... On a une resurfaceuse petite et relax au magasin pour les CD des clients, c'est bien correct. On a notre plus grosse ici au QG, mais à un disque de la shot, là, c'est long, là, tu sais. Fait que à 50 disques de la shot, là, tu parles, tu sais. Mais la machine, elle coûte 20 000 $, fait que... On pourrait se le permettre, mais ça vaut-tu la peine, tu sais, pour resurfacer... des centaines de jeux Xbox 360, tu sais, où on n'est pas pressé tant que ça, mais tu sais, il faut les vendre, il faut qu'ils sortent du site, ces jeux-là, à un moment donné, fait, je sais pas, tu sais. Fait que, en tout cas, on se questionne là-dessus. La compagnie qui fait les machines de resurfaçage, on nous a même proposé un deal, ben, à tout le monde qui en a acheté. Si vous nous renvoyez votre vieille machine, vous avez un crédit pour acheter la grosse, je suis ça me parle, ça me parle. Parce que resurfacer un disque, il y a 5 levels de resurfaçage, tu sais. Puis plus le disque est magané, plus que tu vas creux dans le disque, fait que plus que tu prends un nombre élevé, puis plus qu'il boffe longtemps, tu sais. Fait que si tu fais un 1, tu sais, c'est juste un petit polissage, là, puis ça va assez vite, là, genre une minute, là, même pas. Mais si tu fais un 4, même un 5, puis des 5, on n'en fait jamais, là. Ça, ça 4, c'est genre la personne a frotté le disque sur l'asphalte, là, tu sais, puis il y en a, ça arrive, des disques épouvantablement maganés, ben la machine est capable de les sauver, tu sais. Puis, mais ça, par contre, ça prend, c'est long, là, ça, justement, 4 minutes peut-être par disque, hey, ça passe pas vite, là. Fait que là, ça va plus vite nettoyer un jeu que de le resurfacer, bien sûr, un jeu en boîtier. Tu sais, tu passes une guenille dessus, c'est propre, t'enlèves les collants GameStop, tu sais, avec du gaz ou whatever, puis... Fait que là, on se ramasse, il faut séparer nos piles, tu sais. Parce que là, on a, voici les 1000 jeux PS2 qu'on a, qu'il faut process. Là, on peut bien toutes les nettoyer, puis après ça, il y a une autre pile que ça serait nettoyer, mais pas resurfacer, tu sais. Fait que, comme raw, nettoyer, pas resurfacer, et puis propre. Fait que il faut comme séparer ça un peu pour savoir qu'est-ce qu'il faut resurfacer et qu'est-ce qui est prêt. Mais on n'a pas de place présentement à faire des séparations comme ça, t'sais. Puis tous les boîtiers vides qu'on va garder, des boîtiers de Wii ici, j'en ai plein. Là, des boîtiers de DS, 3DS, j'en ai plein. Ça, c'est le fun parce que DS, 3DS, on en reçoit régulièrement des jeux loose. Fait qu'on est, on est capable d'en boxer souvent random comme ça. Des jeux de Wii aussi, tu sais, des fois le monde pitch un... Voici un binder plein de disques, là, je m'en crisse, prenez-le. Des jeux Wii, c'est comme, ah, oh, on est capable d'en boxer quelques-uns, tu sais, fait que ça, c'est cool. Donc, c'est ça, on va remanier tout ça, puis c'est bien excitant, man. C'est le, ça, c'est la, le projet de l'heure, là, ici, puis ça va prendre un bout. Fait que voilà. Voilà qu'est-ce qui se passe. Sinon, ouais, j'ai vu ça hier. Je sais pas si vous écoutez l'émission Vendre ou Rénover, émission que j'écoute. Il y a quelqu'un qui a fait un post sur le CCJVQ, le Club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec sur Facebook. Et puis, il y a comme un gars qui a... Ben, pas un gars, là, mais... Ben, un gars, oui, là, mais un couple qui passait... excusez, il y a beaucoup de messages, hein. Ça me rend nerveux. Donc, en gros, cette émission-là, c'est il y a une courtière immobilière, puis un designer, tu sais, puis mettons, vous faites appel à ces gens-là. Ils disent « Voici ma maison, moi je veux déménager, ma blonde veut rester, mais elle veut rénover, et puis qu'est-ce qu'on fait? » Fait que là, la courtière fait visiter des maisons au couple, puis pendant ce temps-là, le designer, il fait des rénovations. Puis à la fin de l'émission, c'est comme « Alors, est-ce que vous restez dans votre maison rénovée ou vous vendez et vous en allez? » Fait que c'est bien le fun, c'est un concept américain, je pense, à la base, ou canadien, je sais pas quoi. Mais au Québec, ça marche super bien. Ça marche, on dirait, quasiment plus longtemps qu'ailleurs. Puis moi, j'aime bien ça. J'aime ça, moi, les émissions de rénovation, là. Déjà passé à une émission de rénovation en passant. C'est ceux qui se sont joints à mon podcast dernièrement. J'ai passé à l'émission Manon, ma cuisine et moi. Je pense que ça s'appelait comme ça. Et puis, c'était les cuisines les plus laides du Québec. Et puis, mon ancienne maison. On a été retenus, puis on a passé à cette émission-là. C'était en 2000... Mon plus jeune venait de naître, là. Ça faisait, il y avait genre 3 mois, là. Puis maintenant, il y a 9 ans. Fait que ça fait 9 ans. Alors, on est en 2022. Fait que, ouais, il est né en 2013. Ouais. Fait que c'est ça, on a fait ça. Et puis, ils ont rénové notre cuisine. C'était bien le fun. Et puis, c'est cool parce que quand on a vendu notre maison, on a comme une cuisine gratuite. Et puis ça, ça a un gros plus-value. Une cuisine neuve dans une maison, tu sais, bien sûr. Alors, quand on a vendu notre maison, ben on a eu un meilleur prix parce que la cuisine était rénovée. Alors, merci beaucoup, Manon. Puis, ces émissions-là sont très en reprise. Fait que peut-être que vous pouvez me voir encore. Là, je sais pas si 10 ans plus tard, ils mettent des reprises encore, mais ça se peut. Ça se peut. Est-ce que c'est drôle de voir ça, pareil? C'était quelque chose. Je vais juste raconter une anecdote par rapport à ça, puis je vais continuer avec mon idée après. Fait que Manon Leblanc, bon, si vous la connaissez pas, googlez-la, là, elle fait des émissions de réno depuis super longtemps. Et puis, il avait rénové notre cuisine, tout. Et puis, on avait un tiroir pour le bac à poubelle et recyclage. Et puis, ce tiroir-là, à un moment donné, il a comme pété, tu sais, comme on n'était plus capable de... Il roulait pas, tu sais, ça allait pas bien. Ça, c'est tout du custom, puis c'est pas simple à trouver. Fait que j'avais, pis ça, c'était genre un an après l'émission ou quelque, là, tu sais. Fait que j'avais communiqué avec l'équipe de Manon par courriel. J'ai dit, hey, tu sais, je veux pas vous déranger, mais cette affaire-là est pétée, tu sais, puis on n'arrive pas à trouver comment le remplacer. Fait qu'ils ont dit, ben, pas de problème, on le commande, et puis quand on va en avoir un nouveau tiroir poubelle comme ça, on va vous faire signe, puis vous viendrez le chercher. Fait qu'ils ont fait ça. Et puis, j'ai reçu l'appel et je suis allé. Et puis, je suis allé pas à un entrepôt ni rien. J'ai été convoqué chez Manon elle-même, dans une espèce de grosse maison à Candiac. Il me semble que c'était à Candiac. Et puis, gros palace, puis tout. Puis là, je cogne à la porte. Puis Manon, elle ouvre la porte. Puis elle est très... Manon, c'est une grande blonde, très botox, tu sais, refaite, puis tout. Puis elle est impressionnante, là, tu sais. Elle est pas grosse, mais elle est imposante, tu sais, comme une personnalité imposante, puis un regard perçant, blonde, tu sais. C'est comme bonjour. Elle est intimidante, un peu, mais super sweet, là. Mais ouais, c'est ça. Et puis, là, elle me reçoit. Bonjour, rentrez, tu sais. Là, je rentre. Et puis, sa collègue, sa bras droit, elle est là aussi. Elle était tout le temps avec à l'émission. Ils sont tout le temps ensemble. Fait que, bonjour. Fait que là, il m'accueille, il m'amène au salon. Puis là, il y avait comme un beau fauteuil confortable, tu sais. Asseyez-vous là. Là, je m'assois dans le fauteuil. Ils s'assoient les deux de part et d'autre, là, tu sais, comme si j'étais un roi. Puis eux autres. Puis là, il attendait que je parle, je me regardais. Puis, ça va bien, ouais. Là, je dis, bonjour. Je suis comme, ben, casual. Fait que, c'est ça, là. Ben, je venais chercher mon tiroir poubelle, tu sais. Puis là, eux autres sont comme, hein? De quoi? Tu sais, OK. Puis là, c'est parce qu'ils attendaient la venue d'un réalisateur ou d'un producteur ou quelqu'un de TV qui s'appelait aussi Dominique. En même temps, tu sais. Fait que là, ils pensaient que j'étais un réalisateur big shot, moi, là, pis que je venais, genre, leur dire comment j'allais faire leur prochaine mission. Putain, ils me recevaient comme un prince dans un grand fauteuil confortable, alors que je suis juste le petit Joe qui vient chercher son tiroir poubelle. C'était très drôle. Fait qu'ils m'ont pas envoyé chier, là. Ils ont pas fait « Ah, ben là, ta gueule, prends ton tiroir, va-t'en. » Là, on a bien ri. Et puis, il y avait mon tiroir, puis je suis parti. Alors, c'était une belle... c'était bien drôle. Peut-être que je ferai une émission à un moment donné, un épisode podcast où est-ce que je raconte cette histoire de Manon, ma cuisine et moi. C'était bien drôle. C'est pas grand-chose. J'ai le DVD sur disque, ça c'est bien. Tu vois, ça c'est cool parce que quand j'ai été à l'émission de Marc-André Coallier à ma TV, avant, pour parler du projet Arcade MTL, genre quelques mois avant que le bar ouvre, j'ai enregistré ça dans mon hélico. Puis là, j'ai changé pour Helix. Puis, tu sais, comme tu perds ce data-là, tu peux pas le transférer, à moins que je le filme avec mon téléphone dans TV, je sais pas quoi. Mais c'était une belle émission, c'était cool. Puis, je l'ai pu, tu sais. Fait que peut-être que si je communique avec eux, je pourrais l'avoir. Mais en tout cas, j'aime ça garder quand j'ai passé dans les journaux ou à TV, j'aime ça garder ces affaires-là. Bref, la raison pour laquelle je parlais de ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a publié qu'une image sur le CCJVQ de l'émission « Vendre ou rénover », que le couple en question, au début, le designer et la courtière, ils visitent la maison. Puis là, ils vont dans le sous-sol, puis il y avait une grosse collection de jeux vidéo avec des jeux, tu sais, tout bien aligné, propre, là. T'sais, tu vois que le gars, c'est un vrai collectionneur. Il y avait une couple de jeux great là-dedans, des Wizardry. Tu vois, OK, il aime Wizardry. Il y avait les trois Castlevania au NES à aligner, tu sais. Fait que, il y a comme une grosse collection de jeux. Fait que là, tout le monde est comme, hey, le gars, es-tu dans le groupe? C'est qui? Il s'appelle Maxime. Fait que, c'est ça. Puis là, ça m'a donné l'idée, hey, j'aimerais ça, moi, faire une émission. Une émission des collections au Québec. Là, mes amis RetroGamer.ca ont déjà fait des séries YouTube sur des collections, les collections des gens qui collectionnent au Québec. D'ailleurs, j'étais supposé peut-être en faire partie à un moment donné, mais finalement, ça a donné plus ou moins, puis ma collection a tellement changé depuis le temps. Mais il avait commencé ça, mais j'aimerais ça le refaire moi aussi. J'aimerais ça pousser ce concept-là un peu plus loin. Faut que... ça soit intéressant. Ça serait cool, ça, une émission, genre, on se promène, je vais chez les gens, interviewer les gens, leur collection, comment, c'est quoi ta belle pièce là-dedans, c'est quoi ta ligne directrice dans ta collection, tes franchises préférées, l'investissement de base, la valeur que ça a maintenant. Tu sais, des stats qui parlent aux non-initiés, parce que c'est le même, il faut que tu penses, là, à TV, là, les gens, ils savent pas, là, que les jeux vidéo, oui, ils savent, là, mais la très grande majorité, ils vont dire... quoi? Ce jeu-là vaut 100$, tu sais? Ouais, on doit. Fait que, tu sais, c'est super intéressant, ces stats-là, là, tu sais. Il y a bien des affaires à faire avec ça, puis j'aimerais ça faire ça. S'il y a des producteurs, si Dominique, le producteur-réalisateur de Manon, m'écoute présentement, appelle-moi, on va être Double Dumb Man Team Up, émission, les collections du Québec, puis ça va être malade. Fait que ça serait bien le fun. Bon, on va travailler là-dessus. Tout a voulu faire de la TV. J'aimerais ça faire de la TV. Monsieur Hunette, il m'a pas pris, man. J'aurais aimé ça, aller à Monsieur Hunette faire des chroniques rétro. Il me semble que ça l'aurait fait. Ça l'aurait fait en crise. Mais non, ça n'a pas marché. Bruno a pas réussi à me plugger ou whatever. Fait que... c'était le dossier. De toute façon, Laurent Lassalle était là. Il faisait un bon travail. J'aimerais ça, quand je vais prendre des invités un jour, puis là, j'essaye de... Là, j'y songe sérieusement. Peut-être Laurent Lassalle, ça serait le fun qu'il vienne parler de ça. L'époque, Monsieur Net, qui fait présentement, bien actif. Des mineurs, son projet des mineurs, des mines pas mal. Donc, ça serait cool. Fait que voilà, ça c'était juste une petite parenthèse de télévision. Sinon, je vais parler de quelques acquisitions que j'ai faites dernièrement. Vous avez vu sur ma page Facebook, je suis nouveau propriétaire de l'Analog Pocket. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, puis il y avait quand même pas mal de monde, Analog est une compagnie qui font des consoles... des consoles FPGA. Là, ne demandez-moi pas de vous expliquer le FPGA, là, mais en gros, la technicalité informatique du FPGA est que ça émule parfaitement les jeux dans ta TV avec sans lag, c'est pixel perfect. Et puis voilà, donc mais ça fait mille autres affaires, puis tu sais, je connais rien là-dedans, jugez-moi pas. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que si j'achète une console analogue, puis je branche ça en HDMI sur ma TV, m'a pouvoir jouer à Punch-Out, puis que ça va être pixel crisp, perfect, et qu'il n'y aura aucun lag? Et la réponse est oui. C'est ça qu'Analog font. Ils font NES, Super NES, Genesis, l'Analog Pocket qui fait de base Game Boy, Game Boy Advance et Game Boy Color. Et puis là, ils ont annoncé la Duo, donc ça va être tout ce qui est Turbo, Graphics 16, PC Engine, format carte ou disque. Et puis avant tout ça, ils ont fait leurs premières armes avec la Neo Geo. Donc c'était, ça c'était malade, c'est comme pour jouer aux cartes MVS de Neo Geo dans une console. Donc c'est carrément une arcade dans ta TV, tu sais. Fait que j'avais des amis qui ont fait ça, des amis qui avaient acheté ça, il y en a qui ont même fait ça, puis la console est en bois, c'était old school là. Fait que c'est ça. Puis ces consoles-là de analog, c'est du premium shit là, tu sais, ça coûte cher, mais le produit il est raffiné, le design il est magnifique. T'sais, c'est de la qualité. Là. Tu payes pour ce que tu as. Tu t'achètes une Mercedes. C'est pas une Civic. Là, c'est correct les Civic. Mais ça, c'est le luxe. T'sais. Puis c'est beau. Puis tu reçois ça, c'est une boîte. Là. C'est carrément comme Apple. Là. C'est comme si tu achetais des produits Apple. Tu ouvres ça, c'est l'appareil. Oh, le petit fascicule, la petite affaire, tout emballé. Patata. Alors, c'est vraiment des produits comme ça. Mais moi, je suis rendu là. Moi, je me gâte avec ça. Parce que c'est les ultimes machines, à mon avis. Là. Et puis, donc moi, j'ai NES, Super NES et Mega SG, donc Genesis chez nous. Et puis, ce que j'aime de ma Genesis aussi, c'est que j'ai une, comment ça s'appelle, non, la micro SD, c'est une cartouche faite par Terra Onion qui contient toute la librairie de Genesis, Sega Master System, Sega CD, puis je pense qu'il y a du 32X aussi. Quoi qu'il n'y a pas tout le Sega CD parce que ça ne rentrait pas, puis parce que les jeux sont lourds, puis nous on s'en calisse parce que la majorité des jeux là-dessus c'est de la merde en vidéo. Donc, dans ma petite machine, j'ai tout l'univers, cet univers de cassettes de Sega, tu sais. Donc, ça, c'est nice. Donc, la Pocket, comme je disais tantôt, c'est un beau Game Boy, là, bien droit, gros écran. Man, l'image là-dedans est incroyable, tu sais, ça, il est gros, il est crisp. Là, j'ai commencé à jouer des jeux, puis à tester cette machine-là, là. Puis là, c'est que moi, j'aime beaucoup jouer portable avec ma Switch. T'sais, la Switch est dans le salon, mais mes enfants la prennent. Fait que là, quand j'ai pas de TV dispo ou de console dispo, ben, je sortais mon Game Boy Advance, puis je gossais un peu ma DS, tu sais. Mais c'est pas pareil. Puis là, quand j'utilise ma Pocket, comme l'écran il est tellement beau, c'est tellement propre que j'ai le même feeling de jouer portable qu'avec une Switch, là, au sens que c'est plaisant, tu sais, c'est vraiment incroyable. Et puis, tu pouvais aussi acheter cette console-là avec un dock. Donc, tout comme la Switch, tu joues dans ton Game Boy, ça te tente de jouer dans l'écran de TV, tu le mets sur ton dock, puis tu joues dans TV. Puis, c'est incroyable, là. C'est quasiment too much. T'sais, je pense que j'ai une télé, je pense qu'il est 65 pouces chez nous, je ne me rappelle plus. Tu sais, ça te fait un gros carré dans la TV. Je joue en Castlevania, c'est... Faut que tu t'éloignes, là, sinon t'es trop proche de la TV. Le sprite, man, il est gros comme ta face, là, t'sais, c'est incroyable. Fait que, puis c'est neat, là, c'est perfect, là, c'est incroyable. Fait que moi, j'ai branché en Bluetooth, là. Tu peux prendre n'importe quelle manette Bluetooth avec ça. J'ai utilisé ma Switch Pro, mais j'ai mes Super NES aussi de 8-bit 2. Je vais peut-être prendre ça à la place pour un réel feeling. Mais en toute honnêteté, j'ai très peu joué ou pratiquement pas joué dans TV encore avec. Puis je pensais que c'est ça que j'allais faire le plus. Mais c'est que j'ai pas de TV dédiée, tu sais. Fait que je joue portable dans le lit avec ma super machine. Et puis j'adore ça. Et puis ça vient avec des adapteurs. Donc présentement, il y a juste l'adapteur Game Gear qui est disponible. Je l'ai commandé en même temps que la machine. Ça permet de jouer à des jeux Game Gear. Donc, tu mets ton jeu Game Gear dans l'adapteur, puis tu mets ton adapteur dans la machine. Puis tu peux jouer dans ta TV aussi en dockant tout ça. Puis il va y avoir d'autres adapteurs qui s'en viennent, soit le Neo Geo Pocket, Atari Lynx. Y a-t-il un autre? Non, il n'y aura pas le WonderSwan. Fait que c'est ça. Et puis, je vais peut-être me pogner le Lynx, là, si ça sort. Attendez. Ouais, le Lynx, j'aimerais ça, peut-être je me prendrais une flashcard Lynx et j'aurais tous les jeux Lynx, ça serait cool. Neo Geo, j'avais envie de le prendre, mais il y a juste des jeux de fighting, il y a beaucoup de jeux de fighting au Neo Geo Pocket, pour vrai, là. Puis j'ai regardé la librairie, puis j'y trouvais pas vraiment mon compte, fait que je prendrais pas cet adapteur-là, de toute façon il est pas prêt. Fait que c'est ça, puis la Pocket, moi je l'ai précommandé pas l'été passé, mais l'autre d'avant. Puis les précommandes avaient flyé en 5 minutes. C'était sold out, ça avait été tout un bordel, le monde en tabarnak. J'étais très chanceux d'en avoir une. Mais là, il y a d'autres précommandes qui sont sorties. Puis je pense que c'est live présentement encore. Ou si ça ne l'est pas, il va y avoir des waves. Il y a tellement de demandes, fait qu'ils ont fait des waves. Fait que ceux-là qui ont réussi à précommander dernièrement, puis ça a été assez facile, ils vont l'avoir l'année prochaine. Puis c'est ça. Mais là, les gens, tu sais, il y en a qui sont comme, je veux pas te donner 500$ pour avoir ma machine l'année prochaine. Ben, tu t'en passeras, buddy, c'est ça. C'est ça la vie maintenant. Donne ton 500$, puis tu vas l'avoir à ta Mercedes. Mais laisse-leur le temps de la bâtir, tu sais. Fait que c'est ça. Mais man, si ça vous intéresse, si vous aimez les jeux portables, tu sais, vous aimez jouer en portable, vous allez revivre, là. Cette machine-là est folle, folle, folle. Puis il y a des filtres aussi. J'ai mis le son dans le tapis. C'est trop fort, là, tu sais, je l'ai baissé, ça n'a pas de bon sens. On est crissement ailleurs. Puis, ils ont des patchs, puis il y a juste des affaires. Il y a une patch qui... un update de firmware qui permet un save state. Donc, tu peux faire une sauvegarde seulement par jeu. Fait que tu joues à Castlevania, tu es rendu à whatever, tu fais un save state, tu fermes tout ça, tu reviens, tu repars ta save où est-ce que tu étais rendu, puis tu continues où est-ce que tu étais. C'est un par jeu. Donc, si tu enlèves le jeu et tu mets un autre jeu et tu fais un save state dans le jeu-là, tu vas perdre ton save de Castlevania. Donc, c'est une slot par jeu. Mais ça, ils vont peut-être l'updater aussi à un moment donné puis en avoir plusieurs. Aussi, on peut pas vraiment mapper les boutons, à ce que je comprends. Fait que moi, j'aurais voulu déplacer le X, le Y, puis le B, puis le A. En tout cas, ben, c'est comme quatre boutons, comme une Super NES. Ils sont pas aux bonnes places, tu sais. Ça joue bien correct pareil, là, c'est pas un problème. J'aurais aimé les déplacer, mais j'y arrive pas. On dirait que c'est pas possible. Fait que, en tout cas, ça, c'est des détails. Mais très, très, très belle machine. Là. Pour vrai, je suis vraiment satisfait. Puis là, je suis parti sur une frenzy. Tu sais, j'avais commencé en... Présentement, je trip Game Boy Color. J'achète tous les jeux de Game Boy Color qui ont de l'air cool ou que c'est hot, tu sais. Fait que là, j'avais commencé un peu. Mais là, je joue à ça dans cette machine-là. C'est tellement plaisant, là, tu sais. C'est vraiment beau. Fait que, ouais, j'ai joué à Sergeant Rock, qui est un genre de jeu de frontline, commando, vu de dessus, qu'il n'y avait pas de sauvegarde, puis pas de password. Donc, j'attendais d'avoir ma pocket pour me faire un save state au moins. Comme vois-tu, ça me permet de finir ce jeu-là, parce que le faire d'une shot, c'était une demi-heure, puis j'ai jamais réussi à mettre une demi-heure pour jouer à ça. J'aime pas ça laisser ma Game Boy Advance sur pause, tu sais. Fait que j'ai fait ça, j'ai joué à 1942, c'était mauvais finalement, 1942 au Game Boy Color, c'est carrément pareil comme 1942 au NES, puis c'est ça, il y a des boss fights qui sont vraiment plates, puis c'est le petit bip là, il y a tout ça encore, c'est pourri, sérieux, j'étais vraiment déçu, mais je l'ai fait pareil, 33 niveaux de misère, pour avoir la fin, c'est réglé. Puis là, je joue à Metal Gear Solid au Game Boy Color, qui est un jeu qui vaut, je pense, 100$, loose. Puis complet, ça doit être 400$, c'est ça. Puis il paraîtrait que c'est un excellent Metal Gear, et c'est vraiment le cas. C'est super bien fait, c'est très beau. La musique est écœurante, tu sais. Puis l'histoire, ça se passe 7 ans après le Metal Gear du PlayStation 1. Donc c'est raccord, tu sais. Puis non, c'est un jeu de qualité, puis j'y joue présentement, puis c'est bien cool. C'est bien, bien, bien, bien cool. Fait que c'est les jeux auxquels je joue présentement, j'en parlerai. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire sur St. John's Rock 1942, mais Metal Gear, je vais le continuer, puis j'en parlerai peut-être un peu plus plus tard. Sinon, je vais finir le spectacle avec d'autres acquisitions que j'ai faites. Vous avez vu que j'ai... Attends, il me semble que je voulais dire autre chose. Ouais, je disais, je parlais du jeu que je finis. Encore une fois, je fais un rappel. Le groupe Facebook « Finir des cassettes ». Vous aimez finir des jeux, vous voulez brag que vous êtes bon, ou juste comme montrer les jeux que vous finissez, en parler, découvrir des jeux. De toutes les plateformes, toutes les générations, allez sur « Finir des cassettes ». Et puis, moi, j'approuve, j'accepte tout le monde. Le groupe grossit. D'après moi, on va atteindre 1000 bientôt. C'est très joli. Et puis, ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'il n'y a eu aucune chicane, aucun beef. Il n'y a aucune gestion à faire. Le groupe s'auto-gère. Ben, il n'y a pas de gestion. T'sais, comme tout le monde est content, le monde poste leur jeu, le monde écoute les règles. Et puis, il n'y a pas de pause par rapport puis de trou de cul. Fait que ça, c'est bien le fun. C'est un groupe sain. C'est bien certain que si on se rend jusqu'à 10 000, là, ça va être de la gestion. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. C'est bien beau. C'est une belle communauté. Alors, si vous aimez faire ça, allez-y. Et puis, voilà. Sinon, les autres acquisitions que j'ai faites dernièrement, ben, vous avez vu mon Crazy Climber, j'en ai parlé au dernier épisode. Je l'ai reçu, finalement, sur ma page Facebook, je vous l'ai montré. Ouais, c'est un jeu Atari 2600, la série Silver, je l'appelle la série Silver, c'est les boîtes grises, là, argent, avec les cassettes argent. C'est une série, ça, que je veux compléter, mais là, je suis rendu, pour toutes les avoir au moins complets, des fois, il y a des seals, mais je veux les avoir complets, puis il m'en reste, genre, 4 à compléter, puis bien sûr, c'est des affaires pas trouvables. Mais Crazy Climber en était une affaire pas trouvable, je l'ai trouvé. Puis c'est sur Atari Collector Market. Atari Collector, quelqu'un qui a publié ça. J'ai ça à vendre, faut que je paye des bills, j'ai besoin d'argent. Je vends mon Crazy Climber complet en bois. C'était comme 500 US shippé. Fait que j'ai accepté ça, puis j'ai juste acheté ça. Et puis, c'est un gros investissement, tu sais. C'est fou pareil, là. Ce jeu-là est plus cher qu'une analogue pocket, est plus cher que bien des affaires. Mais il faut ce qu'il faut, man. Puis avoir ce jeu-là, premièrement, ça passe jamais. Tu sais, il y a des cassettes sur eBay, puis je l'avais déjà loose anyway. Fait que déjà, je pourrais revendre mon loose, ça va me rebalancer. Je peux peut-être me faire un 200$ avec ça. Ça fait que ça va me coûter moins cher. Mais quand il faut, tu sais. j'adore avoir cet objet-là, bien plus que. Plein que Chris avoir un set complet de Virtual Boy, là, tu sais, moi j'aime mieux ça, là, tu sais, j'aime mieux mettre 500$ pour cet item-là qu'acheter pour 500$ de jeu PlayStation 3. À un moment donné, je savais plus quoi collectionner, c'était une couple d'années, je me disais, moi, me ramasser les cools jeux de PS3, tu sais, puis là, je ramassais ça, là, je regardais ça à ma bibliothèque, je me disais, Chris, je jouerait jamais à ça, puis ça prend de la place, puis fuck off, tu sais, j'ai débarrassé ça. J'aime mieux avoir un jeu Atari à 600$ que pour 600$ de beaux jeux de PS3, tu sais. Fait que voilà. Et puis, comme je disais dans mon post, moi, de la façon que je collectionne, c'est que quand il y a des opportunités comme celle-là qui se présentent, puis que c'est des choses que vous voulez vraiment, faites-le, tu sais. Si vous faites un full set de Xbox OG, puis que le troisième jeu, là je dis n'importe quoi, j'ai aucune connaissance de Xbox OG. Mais mettons que le troisième jeu le plus rare de Xbox OG, c'est un jeu qui vaut 400$, puis que vous le voyez, puis il est genre 450 shippé, mettons, sur un groupe Facebook, achetez-le, t'sais. Parce qu'il va être 500$ l'année prochaine, puis 600$ l'année d'après, je sais pas quoi. Puis, tu sais, comme... paye le prix du marché pour les items que tu veux maintenant parce que le prix va juste monter puis le prix du marché va être plus cher puis tu vas payer plus cher dans l'avenir. Fait que, tu sais, je veux dire, si t'as les moyens puis t'es là-dedans, puis surtout si c'est quelque chose que tu veux vraiment dans ta collection parce que faut que tu complètes ton set de Xbox ou parce que, genre, toi t'aimes les Pokémon puis y a tel jeu de Pokémon, tu sais, qui a marqué ton enfance, puis tu le veux complet, puis fuck, t'en vois jamais des complets, ou que la boîte est tout le temps décrisse, puis là, soudainement, il y en a un beau, puis là, c'est comme un petit 100$ au-dessus, tu sais, mettons que le jeu, il vaut 1000$, puis là, ça serait 1002$, puis t'as l'argent, puis t'es prêt à le faire, fais-le! Tu vas tellement le regretter si tu le fais pas, tu sais, puis, mais tu sais, Earthbound, c'est Earthbound, il y a des Earthbound complets avec les Scratch and Sniff, puis les books, tu sais, j'en vois passer, mais... Mettons, Crazy Climber à l'Atari, tu vois jamais, complet, tu vois jamais ça. Fait que, tu sais, j'avais pas le choix. Là. Fait que, Stadium Events, tu vois jamais ça. Là. Puis, c'est jamais le bon moment, tu sais, t'as jamais assez de cash. C'est comme avoir un enfant. C'est jamais le bon moment d'avoir un enfant. C'est comme, ma carrière est-tu à jour? J'ai-tu assez d'argent? On est-tu prêt? C'est comme, hey, t'es pas prêt. C'est comme, ah, on va se serrer à la ceinture. Mais quand, allez, ça passe, c'est maintenant. Fait que, c'est comme ça que je pense. Puis, c'est bien correct, tu sais. Puis si t'as pas les moyens, ben écoute, t'as pas les moyens, puis c'est ça, tu sais. Mais je veux dire, je me tiens pas à des places que j'ai pas les moyens, tu sais. Mettons, moi, s'il faut se check les chars, ben j'irai pas chez BM, là, tu sais, ou j'irai pas me faire du mal en checkant les Ferrari. Là. J'ai pas les moyens de m'acheter des Ferrari. Fait que je m'intéresse pas aux Ferrari. Fait que voilà, j'ai les moyens de me payer des jeux vidéo à tel prix. Ben, je check pour ça un peu, puis je m'en achète pas tous les jours, puis c'est ça, tu sais. Fait que faut faire avec ce qu'il faut. J'aimerais bien ça, magasiner les manoirs, puis avoir un manoir, tu sais. Mais j'ai pas les moyens d'avoir un manoir, j'ai pas moyen d'avoir un bateau. J'aimerais ça, moi, faire du bateau, avoir un bateau, une marina, à la marina, puis avoir toutes les dépenses connexes du bateau, puis tout ça. Je suis comme, ah, tu sais-tu, j'ai pas les moyens d'avoir un bateau. Ben, fuck, je check pas les bateaux. Fait que voilà. C'est le même que je vois ça. Hey, j'ai comme de l'énergie en matin. C'est spécial. Je pensais pas que j'en avais. Ah! Sinon, d'autres acquisitions, je les ai pas encore mis sur... sur ma page Facebook. Mais ça s'en vient. Puis là, excusez, il y a comme un petit temps mort parce que j'essaye de sortir. Calice, je veux... Ah, oh, les gros sacs. Je veux aller dans mes photos. Poteau. Moi, en boss, c'est poteau puis photo. Fait que j'essaie de trouver ma photo de jeu Switch que j'ai acheté. Mais Caroline, ça marche pas. Fait que je vais aller par un autre chemin. Je me rappelle plus par cœur du titre. Ouais. Mon ami, mon bon ami, Nick Chalifou, que j'aime tant, qui est revenu au Québec, et puis il a été à Vancouver pendant un bout de travailler chez Nintendo, puis là, il est revenu au Québec. Puis c'est toujours le fun de jaser de collection avec Nick, tu sais, avant, il était beaucoup dans le NES, Game Boy, tout ça, on a les mêmes goûts. Puis il avait laissé ça de côté pendant qu'il vivait là-bas, tu sais, c'est comme de la gestion, la collection, tout ça, quand t'es ça, tu sais, t'as pas un domicile fixe tant que ça. Fait que bref, il a laissé ça aller, puis là, il est revenu au Québec, puis là, il recommence, puis tout comme moi, il aime beaucoup à jouer, acheter, collectionner le Switch. Puis il m'avait parlé d'une couple de jeux qu'il cherchait, et puis donc, il m'a causé des besoins, parce que moi aussi, d'abord, je les cherche, puis ça, c'est vrai que ça a l'air nice. Puis je suis tombé là-dessus sur un groupe Facebook Canada, Swap, Talk, blablabla. Et puis, le jeu en question, c'était Fox and Forest, qui est un jeu PAL. Et puis, je connaissais pas ça. C'est un platformer, un genre de renard, tu sais. Puis, ça avait de l'air nice. Puis, c'est un jeu qui vaut, d'après Price Charting, ici, complet en boîte, 220$. Et puis, moi, les jeux Switch qui valent cher, mais qui ont de l'air bons, puis qui sont pas communs, ben, je les veux moi aussi, parce que c'est cool en collection. J'y joue, je l'ai, c'est nice. Si c'est un bon jeu. Si c'est comme le jeu de Skylanders sur Switch, je pense qu'il vaut super cher, là, j'ai pas trop checké. Mais tu sais, ça, je veux pas ça, là, parce que je ferais jamais de full set Switch, puis tu sais, à moins que je tombe dessus, même à ça, je tombe dessus au village des valeurs, tu sais, moi, sûrement le revendre ou l'échanger, ça va être de la monnaie d'échange, tu sais. Même affaire au Game Boy, au DS, je pense, le jeu le plus cher, c'est Shepherd's. Comment il s'appelle, non? Shepherd's Crossing, je sais pas quoi, là, le jeu de berger de Natsume, je sais pas trop. Et puis, c'est un jeu qui vaut genre 500-600$ maintenant. Je pense que c'est devenu le jeu le plus cher. Ça a l'air de la merde, tu sais. Ça me parle zéro. Fait que je veux pas ce jeu-là, tu sais. Donc, Fox and Forest, je voulais. Parce que Nick m'a créé le besoin. Puis là, j'ai regardé le listing du gars. Puis il y avait un autre jeu que je connaissais pas qui s'appelle Dust and Elysian Tale. Donc, Dust and Elysian Tale. Qui est un. Le cover, c'est une espèce de petit, encore une fois, furry, renard, fée qui pointe. Ça avait l'air de rien. Puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, ce jeu-là? Là, je suis allé voir du gameplay. C'est un genre de hack and slash, là, vraiment viril et intense. Tout comme. Muramasa pourrait l'être, mettons, tu sais, ça me fait penser un peu à ça, puis vraiment violent, tu sais, mais cute en même temps, donc ça me parlait beaucoup. Ça, c'est un jeu qui valait 125$ d'après Price Chart. Fait que j'ai dit au gars, Chris, ces deux jeux-là m'intéressent pour ma collection Switch, puis je vais y jouer aussi. Puis j'ai poké Nick chez les fous, puis lui, dans le lot, il s'est pris Mutant Mods Collection. Et puis, moi, je l'ai déjà, puis j'adore Mutant Mods. Et puis Worms, WMD. Ça, c'est comme le jeu le plus cher de la gang, d'après Price Charting. C'est un lot à 230$, je savais pas ça. Puis c'est tout ça des... ben, pas Dust. Dust, c'est un Limited Run. Mais les trois autres, c'est des jeux PAL. Et puis, là... quand vous collectionnez le Switch et vous jouez le Switch, faut pas lever le nez sur le PAL. Parce que le PAL, oui, tu sais, comme sur la tranche, le titre du jeu est dans le centre au lieu d'être aligné à gauche comme les autres, tu sais. Puis sur le cover, t'as le petit Peggy vert, tu sais. Puis c'est comme. C'est un peu décevant que ça soit pas pareil. Cela dit, il y a des jeux PAL qui ont une très grande valeur et qui sont d'excellents jeux, tu sais. Fait que quand tu collectionnes puis tu joues le Switch puis tu veux explorer le physical Switch, le PAL en fait partie, puis t'as comme pas le choix d'être là-dedans. Là. Même les imports japonais, il y a des affaires qui arriveront pas en Amérique du Nord. J'ai vu une compile Tiger Heli, ça a l'air complètement malade, la pochette est de feu. J'aimerais savoir ça. Fait que, en tout cas, mais je sais pas si c'est bon, puis là, je me suis pas trop renseigné. Je suis pas sûr qu'on serait capable de l'avoir ici non plus, à vérifier. Mais c'est ça le Switch, man. Fait que j'ai me suis porté acquéreur de Fox and Forest et puis Dust and Illusion Tale. Puis je suis bien content de ça. Je vais y jouer éventuellement. J'ai tellement un backlog de Switch de malade. Fait que ça c'est malheureux. Mais un jour j'aurai le temps. Puis là, man, j'ai mon téléphone il est gelé raide. Fait que j'ai des jeux de Super NES que j'ai eu. Puis que je vous parlerai pas parce que je ne me rappelle plus par cœur. Mais le plus important est Incantation. Incantation, dont j'ai déjà fait la critique à Rétro Nouveau, est un genre de platformer run and gun fait par Titus, compagnie de marde, et puis française. Compagnie de marde française. Pourquoi je pointe les Français là-dedans? Je dis pas que les Français sont de la marde. La compagnie est française. Donc, ça se passe en France, et puis, c'est ça, c'est du renseignement. Et puis, de la plupart des jeux qu'ils font, c'est de la merde. Mais Incantation, c'est pas si pire. Et puis, je l'avais fini, j'avais pris le temps de le finir à Rétro Nouveau. Tu sais, il y a de quoi. C'est un cool jeu quand même. J'avais joué, moi, sur mon Everdrive, et puis, mais là, je vais faire un full set de Super NES, fait que ça me le prend. Et puis, c'est un jeu à 300$. Fait que j'ai vu passer, j'ai appliqué ce que je vous ai dit tantôt. Le jeu, sur Price Chart, je me rappelle plus le prix, mettons qu'il est 320. Le gars, il le faisait à 350 shippé. Puis le label était mint. Ça, c'est très important parce que les incantations, habituellement, ils sont jamais beaux. Fait que c'est comme un 20$ au-dessus de Price Chart, c'est shippé, tu sais, tout pour une très, très, très belle copie. Ben, il faut régler le dossier. Fait que j'ai commandé ça, puis je l'ai reçu. Je vais le publier sur ma page Facebook. Puis, vu que je podcast de mon bureau, j'ai jamais les jeux avec moi. Fait que je peux pas vous montrer. Je peux vous montrer un sac de guenilles, par contre. Mais c'est ça. Puis, je suis très content d'avoir ça. Donc, pour ceux qui s'intéressent, mes gros jeux qui me manquent au Super NES présentement, puis je rappelle que je suis vraiment pas pressé là, de clos. Puis, j'en ai commandé d'autres jeux Super NES, j'en attends encore 6. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, je dépense énormément, mais il y a plein d'affaires qui se présentent. Fait que, en tout cas, là, les impôts arrivent, puis je suis pas exactement sûr de ce que ça va donner, fait que il va falloir que je ralentisse. Mais une opportunité est une opportunité, fait que quand le prix est bon, je le fais. Et puis là, les gros jeux qui me manquent, ben, ils me manquent du plus cher en descendant, je vais vous faire mon top 10. Exertainment Mountain Bike Rally et Speed Racer, c'est comme deux jeux sur la même cartouche, ça vaut 2000$. Je pense qu'il y a des gens qui considèrent pas que ce jeu-là fait partie du set, parce qu'il n'a pas été retail, ses tablettes ou je sais pas quoi. Moi, je vais me renseigner, mais j'ai l'impression qu'il en fait partie. Par contre, tout ce qui est Star Fox Weekend et Donkey Kong Country Weekend, les jeux de compétition, moi je les considère pas dans le set, puis je pense... Ils n'ont pas été retail, oui, tu peux les acheter dans le Nintendo Power, mais tu sais, c'était pas ses tablettes au magasin. Fait que ça, je les considère autres. D'ailleurs, on va en avoir un Star Fox à vendre en passant bientôt chez Retro MTL. Je l'ai, il est ici. Et puis, ça risque d'être dans les 5000, je sais pas quoi, c'est un très bel item, donc à suivre. Deuxième jeu, Bronchi de Bronchiosaurus. Bronchi, le bronchiosaure. C'est un jeu à 600$ et puis c'est un jeu ça sur l'asthme. Vous savez qu'au Super NES, il y a une série de jeux sur le diabète, puis l'asthme et puis une autre affaire. Donc pour que les jeunes y jouent à ces jeux-là, puis qu'ils apprennent sur les maladies, puis apprennent à vivre avec ça. Concept un peu bizarre. Puis ça, c'est dans la même catégorie que Incantation, jeu de marde. Très peu commun, toujours en mauvais état, que moi je n'ai jamais vu, des bronchies encore, fait que c'est vraiment dans le top dur à trouver. Étrangement, après ça, l'autre jeu, Harvest Moon, 450$, mais ça, je suis pas stressé, ça va passer en magasin. Zero de Kamikaze Squirrel, 350$, me stresse pas. Ogre Battle, 250$, ça me stresse pas non plus. Super Copa, qui est un jeu de soccer, ça, c'est dur à trouver. 250$, ça me stresse. Syndicate. Syndicate est rendu à 220$, man, c'est fou. Ça me stresse pas, j'en vois. Lufia 2, 200$. Facile, facile. Ren and Stimpy Show de Buckaroos. C'est stressant à 200$, pas facile. Mr. Nuts à 180$. Là, c'est les prix de mon application, c'est pas les prix price charting, puis c'est probablement pas exactement, mais ça vous donne une idée. Mr. Nuts, donc pas si stressant. International Superstar Soccer, ça c'est stressant à 170$. Ben, le pire, c'est que j'en ai vu passer un il y a pas longtemps, mais il était en mauvais état, puis fait que j'ai skippé, puis c'est fait vendre tout de suite. Robotrek, le RPG de Enix, pas stressant, 160$. SOS, il y a deux SOS. Il y a SOS, puis il y a SOS Sink and Swim, qui sont deux jeux qui sont pas mal la même affaire, je pense, mais c'est deux variations différentes. 160$, pas si dur à trouver. RD Lightfoot, pas dur à trouver, 160$. Opération Thunderbolt, pas dur à trouver, 160$. Capitaine Novolin, qui est un jeu ça sur justement, le diabète. Ouais. Donc 160$, Metal Marine 150$, pas compliqué. Tecmo Super Bowl 150$. Tu fais tout des jeux à 150$, mais le plus tough là-dedans, de tout ce que je dis encore, dans la veine des jeux à 150, ça va être de Hurricanes aussi, qui est un autre jeu de soccer. Beaucoup de jeux de soccer au Super NES qui sont durs à trouver. Sinon, après ça, je descends Home Improvement, on voit pas ça si souvent. The Mask, on a déjà eu un ici, mais il était magané. SOS Sink or Swim. Et puis, après ça, je pense que c'est pas si pire, là. Aero The Acrobat 2. Là, je suis rendu dans les 60$, tu sais. Fait que tu vois, ça me réconforte un peu, là. Les gros jeux, il y en a des trouvables, il y en a des plus compliqués, mais ça va venir. Puis comme je dis, je suis pas pressé, alors il y a de l'espoir. Bon, hey, ça fait une heure! Faut que je me tire, là. Ah! Fait que ça fait une heure de spectacle, et puis ça va être ça, mes petits amis. Je vais communiquer avec mon ami Michael Baroque Larouche du podcast Le Chac à cassette. J'aimerais ça faire des podcasts avec lui. Puis je pense qu'on pourrait faire ça le soir ensemble ici ou dans une autre pièce là, en attendant Rétro Nouveau. Ça serait le fun. Je vais demander à Kevin aussi si ça y tente. Je vais empoigner ces deux gars-là du Chac et puis on va se faire des discussions animées. C'est drôle comment avec Kevin, des fois je m'obstine, des fois on est bien d'accord sur des affaires, des fois on n'est pas d'accord. C'est le fun de s'obstiner avec Kevin ou discuter avec Kevin. C'est des discussions animées. Et puis, vous savez, c'est bien débattre. Donc, il y a ses idées. Et puis, je considère pas que c'est de la merde. J'ai mes idées, je considère pas que c'est de la merde. Par rapport à certains jeux, tu sais. Fait que c'est des belles discussions. Puis, comme je le répète, à chaque fois que j'écoute le Chac à cassette, j'ai tout le temps envie d'embarquer dans la discussion. Fait que j'aimerais ça rapatrier ces deux dudes pour en parler. Hey, d'ailleurs, je vois que Limited Run annonce River City Girls Zero. On va en avoir en magasin. C'est un jeu de Super Famicom de River City. Donc, il va être refait pour la Switch. Et puis, c'est les deux filles de River City Girls qui sont avec les gars. Et puis, c'est jamais sorti en Amérique du Nord. C'est que Super Famicom. Donc, ça va être réédité. Puis, on va en avoir. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Rétro Nouveau, toujours en attente, toujours sur pause. Ça va revenir, inquiétez-vous pas. Présentement, le problème étant que Fred est submergé de projets. Son petit, la garderie fermée, malade. Fait qu'il y en a en masse, là. Il est complètement trop occupé, là, à la maison. La maison est pleine. est pleine. Je sais ce que c'est, pauvre gars. Fait qu'on va le laisser respirer un peu, puis quand il sera prêt, ben il sera prêt, puis on fera ça. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire, non, sinon? Oui, surveiller RetroMTL, le service de réparation de console va être relancé. Il est déjà à peu près un peu relancé en soft opening. Donc, pour les curieux, vous pouvez aller voir sur notre site web dans le menu principal, section réparation. Mais on voulait juste finir de former les employés comme il faut puis de mettre tout le monde au parfum dans l'entreprise avant de l'annoncer officiellement en grande pompe. Cette annonce sera faite la semaine prochaine par moi. Donc, ça s'en vient. Mais vous pouvez déjà réserver des cases horaires pour réparation de console. Donc, si vous êtes dans le besoin, allez voir ça. Puis quoi d'autre? Je pense que c'est pas mal ça. J'espère que j'ai pas brusqué trop de monde en début de spectacle avec mes opinions franches et par rapport à tout ça. Mais vous savez, je podcast aussi parce que j'ai besoin de discuter. Puis moi, tu sais, c'est ça. Des fois, je donne mes opinions puis je peux avoir de l'air condescendant. Je m'en excuse. C'est comme un tempérament. Et puis, je me rends compte que je fais ça malgré moi, mais j'essaie d'être smart. Puis, je suis tout le temps, vous êtes avec moi, face à face avec moi, je suis tout le temps ouvert, moi, à jaser, à dialoguer, à écouter tes idées, écoute les miennes, on peut en parler, puis tout ça est merveilleux, tu sais. Mais dire que l'autre est un trou de cul, puis t'es un cave, ou que whatever, tu sais, c'est pas discuté vraiment. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais déjà parlé du podcast de Jer Allen, le WhatsApp podcast. Jer Allen est un humoriste que je ne connais pas, que j'ai jamais écouté, mais il y a un podcast avec des invités, plein d'invités, et puis des invités très intéressants de tout spectre, de toute sphère. Et puis vraiment, j'ai écouté les épisodes de Richard Z. Sirois, Paul Sarrazin, Éric Duhaime, Gabriel Nadeau-Dubois, Michel Courtemanche. Puis c'est tous des gens, ça, qui ont un background différent, du vécu différent, puis qui ont toutes des choses très intéressantes à raconter. Moi, j'aime beaucoup ça, les biographies, entre guillemets, puis les entrevues du genre. Puis Jerry fait des très bonnes entrevues comme ça, puis il écoute, il a une très belle écoute, puis il laisse parler les autres, puis les autres, comme il parle, tu sais, puis il explique vraiment, puis ils n'ont pas peur de dire les vraies affaires. Fait que c'est super bon. Puis le dernier épisode que j'écoute, je pense que c'est son dernier aussi, c'est Guy Nantel qui est revenu. Et puis, il y a des très, très belles choses. Je ne savais pas que Guy Nantel baigne dans une polémique présentement par rapport à son livre, par rapport à des capsules qu'il a faites sur Internet. J'ai pas consommé ces produits-là, mais peut-être que je le ferai lire son livre, ça a l'air intéressant. Et puis, il parle aussi de son passage en politique, de cette polémique-là, et puis de comment le dialogue est ouvert, t'sais. Puis aussi sa vision du Québec, sa vision qu'il avait. Et puis, comment est-ce qu'il se fait attaquer, et puis comment est-ce qu'il répond à ça, oui ou non, des fois. C'est bien intéressant. Je pense que je suis 100% d'accord avec sa façon d'expliquer comment dialoguer, puis les réseaux sociaux, puis comment ça marche et tout ça. Et puis, sans attaquer le monde, mais bref, c'est ça. Vous écouterez ça, si ça vous intéresse, Skippez le début au pire, puis allez juste à son bout qui parle du Québec. Ça direct dans les feels. Fait que voilà, c'est tout. On va aller voir comment ça se vend, ces petits Pokémon-là, si ça roule puis si tout le monde est correct. J'ai vu les messages passer sur le site, ça a l'air que oui. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Et puis, bonne fin de semaine. Et puis, on se revoit très bientôt.